RMC Motors avec Motors TV, Xavier Richefort. Il est 13h10, vous êtes en Motors, vous écoutez RMC et cette deuxième heure va être en grande partie consacrée aux épreuves de saison. Nous allons entamer cette deuxième heure avec le trophée Andros qui s'est achevé ce week-end à Superbès. Et en ligne avec nous, Nicolas Prost, vainqueur de l'Andros, comme son papa, mais l'Andros électrique, celle-là. Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. C'est Xavier, mais c'est pas grave. Xavier, excuse-moi, c'est pas grave. C'est l'émotion, voilà, de la victoire, exactement. Alors, comment s'est passée cette dernière étape à Superbès? Écoutez, plutôt pas mal. Une qualif un peu compliquée avec beaucoup de sorties de route, donc pas terrible. Mais après, j'arrive quand même à gagner une course et à faire deuxième du week-end, donc c'est plutôt pas mal quand même. On va pas pleurer. Ah bah oui, de toute façon, le titre était déjà acquis. Oui, mais il y avait aussi le titre des ce qu'on appelle corporate pour les sponsors. Et bon, je voulais vraiment l'offrir à Pilote qui me soutient depuis le début. Et c'était important pour moi de le gagner pour eux. Bien sûr. Donc, de toute façon, vous êtes un compétiteur. Donc, il y a une course, il faut la gagner. Hein. Exactement. Alors, j'ai lu que le titre, en fait, n'était pas votre objectif au début de l'épreuve. Et puis, en fait, ça a commencé à trottiner un petit peu dans votre esprit après la troisième étape à l'Alpe d'Huez. C'est bien ça? C'est vrai qu'au départ, bon, il y avait quand même beaucoup de spécialistes de la glace, notamment Franck Lagorce, Christophe Farrier, Stéphane Ortelli. Enfin, j'étais le seul à jamais avoir conduit sur la glace sur les 8 voitures au départ. Donc, je pouvais pas me présenter en favori et dire que j'allais gagner le titre. Le premier week-end à Val Thorens, j'étais plutôt dans le milieu de la grille, aux alentours de la 3e, 4e place. C'est vrai qu'après, j'ai fait les pôles et gagné coup sur coup à Andorre, puis à l'Alpe d'Huez. Je me suis retrouvé en titre du championnat. Je me suis dit, ben mince, je peux peut-être gagner. Et du coup, après, ça a bien déroulé, on va dire. Alors, comment elle se comporte, là, cette voiture sur la glace? Parce que, c'est une voiture électrique. Donc, est-ce que ça a des spécificités? Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir pour croire, parce que même moi, quand on m'en a parlé au départ, j'étais assez sceptique. Je dirais que les premières voitures qui sont sorties quand ils ont commencé le développement, c'était pas forcément au point. Mais aujourd'hui, le produit qu'ils ont, il est incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est que en fait, dans des circuits courts et serrés, type Andros, je dirais que l'électrique, il a presque un avantage sur le moteur thermique, c'est que comme il a un couple constant, il a énormément de couple à bas régime, beaucoup plus que n'importe quel moteur thermique, ce qui permet de ressortir des virages serrés beaucoup plus. On a un moteur qui est beaucoup plus souple à bas régime, donc je dirais qu'il y a, c'est pratiquement, il y a plus d'intérêt aujourd'hui d'avoir un moteur électrique sur des courses comme ça qu'un moteur thermique. Bon, j'imagine que vous avez fait une belle fête hier soir pour arroser cette victoire dans cette édition du trophée Andros. Après la fête, la suite de votre saison? La suite de ma saison, ça va être le Le Mans Series et 24 heures du Mans avec Rebellion Racing en LMP1. Donc, je pense qu'on aura un bon package qui devra nous permettre de jouer devant à toutes les courses. Au Mans, ça sera compliqué avec l'équivalence qui reste quand même largement à l'avantage des diesels. Mais sur les circuits plus normaux, un peu plus serrés, je pense qu'on devrait avoir notre mot à dire. Une question comme ça, je peux pas ne pas vous la poser. Votre papa, il est avec vous ou pas? Non, pas non, maintenant. Pas là. Désolé. Ah, je tentais ma chance. J'ai dû le laisser à l'aéroport ce matin. Désolé. Ah bon, d'accord. Bon, il allait bien, pas trop déçu d'avoir terminé deuxième. Bon, c'est un compétiteur dans l'âme, hein, donc il va ça, pas être perdre ouais. Une deuxième place. Bon, après, c'est vrai que le projet s'est décidé relativement tard avec Dacia. Je pense qu'ils étaient un tout petit peu à court de développement sur certaines parties de la voiture. Après, finir deuxième et gagner 3 courses une première année, en étant seul, hein, quand même, c'est quand même, il faut aussi dire que c'est assez positif. Et je pense qu'ils reviendront beaucoup plus fort encore l'année prochaine. Bon, écoutez, vous le féliciterez pour nous quand vous aurez la chance de le voir et de lui parler. Je vous remercie infiniment, Nicolas, de vous être rendu disponible pour cette intervention. Et puis, on vous souhaite une belle saison 2010. Je vous en prie, Xavier. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allez, on enchaîne avec toujours ce trophée Andros, avec celui qui a dominé. Alain Prost, le double vainqueur dorénavant, puisqu'il a décroché sa deuxième couronne consécutive sur le trophée Andros, c'est Jean-Philippe Dérault. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Pas trop fatigué? Non, après une nuit qui a été festive, non? Un peu, on a un peu fêté ça avec toute l'équipe Skoda, ils avaient beaucoup d'invités, et ça s'est fini un peu tard, mais je suis sur la route de Toulouse, je rentre. D'accord, faites attention. Hein. Oui, oui. bon, alors vous avez, ce week-end en gros, vous avez enfoncé le clou, quoi. Vous étiez déjà couronné, mais bon, il a fallu, vous aussi, vous êtes un compétiteur, vous ne vouliez pas lâcher le morceau ce week-end. Non, c'est vrai que c'est la dernière du championnat, et c'est celle qu'on se rappelle le plus, parce qu'il y en a plus après, donc... J'ai souhaité à Saint-Dié-des-Vosges me laisser rétrograder quatrième pour perdre tout mon lest et arriver ici sans lest pour gagner parce qu'on avait en plus beaucoup d'invités chez Skoda et aussi de ma famille. Donc je souhaitais vraiment finir en beauté et c'est ce qu'on a fait puisqu'on a gagné le warm-up, les deux manches et la finale hier. Donc je suis ravi. Et aussi pour Olivier Panis qui fait second et qui conforte sa troisième place du championnat. Alors justement, j'allais y venir. Qui vous a donné le plus de fil à retordre ? Votre coéquipier Olivier Panis ou Alain Prost ? Non, c'est bien sûr Alain qui a beaucoup d'expérience, qui a une bonne équipe, qui fait jamais d'erreur. Et bon, il a été très performant au début de saison, un peu moins à la fin. Mais bon, à mon avis, il a été un peu gêné par le lest parce qu'il faut savoir qu'entre Farnbos, lorsqu'on gagne, on prend du lest. Et lorsque j'ai pris un peu d'avance au championnat, il était après un peu coincé parce qu'à chaque fois qu'il devait revenir vers moi, il avait du poids. Il était après gêné par ça. Bon, je crois savoir que l'année prochaine, on ne sera plus lesté comme ça. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'Alain, on croit qu'il est foutu, qu'il n'a pas fait une bonne manche. Et puis au dernier moment, il ressort et il surgit au dernier moment pour gagner la manche. Donc c'est lui que je me méfie le plus, en tout cas aujourd'hui. Eh bien oui, lui aussi, il est comme vous. Hein, il lâche rien, c'est un compétiteur. Ah oui, il lâche vraiment rien. Et on en parlait justement hier soir. Au-delà de tout, ce qu'il aime, c'est la victoire, c'est gagner des courses. Et il a toujours ce truc en lui. Hein. Bon, les victoires sur le Trophée Andros, il en a 30. Vous n'en êtes plus très loin. C'est pour l'année prochaine. Mais en fait, je ne les ai pas comptés. Je ne sais pas exactement où j'en suis. Il me semble que vous êtes à 27. Il m'a semblé lire ça. 27, peut-être, oui. Voilà. Donc, je ne regarde pas trop ça. Je prends les courses les unes après les autres. C'est surtout le titre qui m'intéresse. Donc, là, on est sur un... Voilà, là, je suis assez serein. J'ai pas mal d'expérience maintenant sur le trophée. Et au niveau technique, et même au niveau du pilotage, parce que c'est quand même très technique le pilotage sur Andros. Donc voilà, j'ai un bagage technique assez important et je pense que pendant un petit moment, j'aurai une petite avance. En tout cas, peut-être pas avec Alain, parce qu'il a beaucoup d'expérience aussi sur Andros. Mais en tout cas, par rapport à Olivier, par exemple, d'autres pilotes, on a un bagage technique un peu plus important aujourd'hui. Alors vous avez déclaré rêver de participer au rallye de Suède. Est-ce que c'est dans l'air? Est-ce que ça a avancé un petit peu dans votre réflexion et puis peut-être dans la tête des responsables de Skoda? On n'en a pas parlé du tout, je n'en ai pas parlé, mais bon, le rallye est quand même un sport complètement différent du Trophée Andros ou de ce que je fais habituellement en circuit. Donc c'est vraiment une discipline vraiment à part et pour le plaisir je le ferai. Pour essayer de faire un résultat, non, parce que c'est assez compliqué. Et puis, il faut apprendre à écouter des notes, etc. Mais par contre, lorsque je vois ces rallyes sur la glace à la télé, ça me donne énormément envie. Les voitures sont sympas et rouler à 200 km/h sur des pistes glacées, ça me donne vraiment envie. Oui. Bon, alors, la prochaine étape dans votre saison, ce sera quoi? Mais là, j'ai beaucoup de travail avec la Midjet que j'organise en France. J'allais dire, parce que vous êtes l'organisateur du championnat Midjet, c'est ça? Voilà, l'organisateur, on a 60 pilotes inscrits cette année, ce qui est un record en France, même en Europe. Donc on a beaucoup, beaucoup d'engagés. Et puis, j'ai le championnat de France en GT3 avec Ice Evans, avec une Ferrari 430. Voilà, donc on part pour essayer de gagner le titre. Donc voilà, beaucoup de travail. Et puis le GT Open aussi en Espagne, avec toujours le même team et une Ferrari 430. Alors, il m'a semblé lire aussi quelque part que vous alliez organiser la Skoda Cup. Mais oui, en fait, Skoda, avec qui on travaille au trophée, on s'est rapproché pour organiser un challenge Skoda au sein du championnat Midjet. Donc en fait, c'est les mêmes châssis, les mêmes moteurs, c'est juste la carrosserie qui change. Et donc on aura une Skoda et on a déjà une vingtaine de participants. Donc on avait pas mal de lots en fin de saison, donc une Skoda Fabia RS pour le vainqueur. Donc je suis ravi que Skoda nous rejoigne cet été en Super Série. Eh bien écoutez... Cette année commence formidablement bien, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. En tout cas, vous avez du pain sur la planche. Ah ben là, c'est sûr qu'on a beaucoup de travail, et autant sportif qu'au niveau du business, oui, c'est sûr. Jean-Philippe, encore une fois, un grand bravo et puis un grand merci voilà, d'avoir pris de votre temps sur la route du retour chez vous pour intervenir et puis voilà, nous faire partager votre belle victoire au Trophée Andros. Merci infiniment, à très bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie, au revoir. Au revoir. Il est 13h20, restez bien à l'écoute puisque juste après la pause, nous serons en ligne avec Olivier Panis. A tout de suite. RMC Motors avec Motors TV, Xavier Richefort. Il est 13h22, c'est Motors, c'est RMC et c'est Olivier Panis en ligne avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup d'être, vous aussi, de prendre un petit peu de votre temps là, après une belle fête, j'imagine, hier soir, après votre podium sur le trophée Andros. Donc, félicitations pour cette belle troisième place. Bah, merci beaucoup. C'est vrai que c'était une belle finale avec beaucoup de spectateurs. Vraiment une finale réussite. Alors, vous espériez mieux que cette troisième place ou pas? Est-ce que finalement, vous arrivez à vous en contenter? Bah, je suis bien obligé, donc. Ouais, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que non, j'espérais un peu mieux pour être honnête, parce que chaque fois que je fais une catégorie, bien sûr, je le fais pour gagner. Mais encore une fois, c'est vraiment des courses de spécialistes. Jean-Philippe Dérault mérite son titre. Il a dominé le trophée. Donc, je pense que c'est bonne guerre maintenant. C'est une catégorie où on ne dit pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose de très très difficile. Par rapport à tout ce que j'ai connu, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Donc, il faut de l'expérience. Donc, chaque année, j'en acquiers un peu plus. Donc, ça va bien payer un jour. Bon, cette année, une victoire, c'était à Saint-Dié. Qu'est-ce qui a fait la différence ce jour-là? C'est la question piège. C'est que depuis le début de... Ah non, non, pensez pas à un truc pareil. Non. Depuis le début de l'hiver, bon, on avait une voiture chacun avec Jean-Philippe. J'avais comme équipier... avec moi, Grégoire de Moustier et Paul Belmondo étaient avec Jean-Philippe. Et bien, c'est vrai que j'arrivais pas à m'acclimater avec cette voiture, donc j'avais des doutes. Donc les deux dernières courses, j'ai roulé avec la voiture de Jean-Philippe Dérault. Donc on a partagé sa voiture. Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment un plus énorme. Alors pourquoi, c'est toujours difficile à dire, mais en tout cas, ça fait vraiment un gros bond en avant. Donc voilà, au moins je sais où j'en suis. Avec la même voiture que Jean-Philippe, j'ai pu me battre avec lui, puis gagner une course à Saint-Dié, là faire deuxième juste derrière lui. Bon, voilà, c'est ça qui est positif. Ouais, parce que quand même, sur l'ensemble du trophée, c'est plutôt une belle réussite vous concernant. Ah oui, non, c'était encore une fois un super trophée, une nouvelle équipe, une nouvelle structure. Skoda France a été fantastique tout au long de l'hiver. Donc c'est vrai que c'est bien que les deux voitures finissent sur le podium final. Je pense que c'est une année super positive pour toute l'équipe Skoda. L'année prochaine, vous remettez ça? Ben on verra si c'est pour gagner, avec plaisir. Maintenant, il faut laisser passer un peu de temps, analyser tout ça et préparer. Je crois que j'ai d'autres programmes qui arrivent là pendant l'été. Donc, ma priorité aujourd'hui, c'est ça. Et puis, l'hiver prochain, on se mettra au travail quand ça arrivera. Ben oui, parce que là, il y a des... En attendant l'hiver prochain, c'est vrai que je me projetais un petit peu loin, il y a quand même de sacrés rendez-vous qui vous attendent la suite de votre saison. La première étape, ça va être quoi? Alors la première étape, ça va être les premiers essais avec la quatrième Peugeot officielle qui a été confiée à Oreca. Donc impatient de conduire cette belle voiture, impatient de retrouver l'équipe Oreca et puis de commencer à travailler pour préparer le Mans série et puis les 24 heures du Mans surtout. Ça, ce sera le 7-8 mars, c'est ça? Le 7-8 mars, je crois qu'on va rouler un peu avant normalement, mais le 7-8 mars, il y aura les essais officiels LMS au Paul Ricard et on y sera avec la Peugeot. D'accord. Et puis début avril, un rendez-vous que vous attendez certainement avec impatience, les 8 heures du Castellet. Voilà, avec impatience. D'une part, c'est un circuit magnifique qui pour moi a été le début de ma carrière, donc toujours beaucoup de plaisir de courir sur circuit. Et en plus, avec une voiture compétitive comme est la Peugeot, c'est vrai que ça va être un rendez-vous important. Alors, vous allez être aussi de tous les 1000 kilomètres de par la planète? Oui, je pense. Je ne sais pas encore le programme définitif parce que ça appartient à Hugues. Mais en tout cas, les premiers programmes qu'on a, c'est de faire les deux premières courses LMS, faire pas mal d'essais privés avec la Peugeot pour préparer les 24 heures du Mans qui vont être un rendez-vous très important pour Oreca et pour toute l'équipe. Les 24 heures du Mans, ce sera, je le rappelle, hein, les 12 et 13 juin. Vous ambitionnez quoi cette saison? J'ambitionne la victoire, forcément. Voilà, mais après, il faut bien travailler, bien préparer les choses. On est en face de grosses structures. C'est vrai que l'aide de Peugeot va être super importante pour nous. Maintenant, on sait qu'on a une voiture pour se battre pour le podium à armes égales. Donc, c'est vrai qu'il va falloir se concentrer là-dessus et essayer de le faire. Le retour de Michael Schumacher en Formule 1, ça vous a pas chatouillé, vous? Bon, moi, je suis un peu plus vieux que lui, donc là, ça commence à devenir difficile, non? Ça se voit pas. Michael, c'est gentil. Je crois que Michael, il avait envie d'un nouveau défi. Là, c'est vrai que quand on arrête la Formule 1, quand on a fait ça pendant longtemps, on est quand même usé par beaucoup de choses. Mais c'est vrai que 6 mois après, ça manque à chaque pilote quand on a conduit ces voitures si performantes et ces compétitions au niveau. C'est vrai que ça manque à un moment donné. Donc Michael, il a envie d'un nouveau challenge. Je comprends et je lui souhaite surtout bonne chance parce que je pense qu'il va être performant. Olivier, merci infiniment de votre gentillesse. Bravo pour votre victoire et puis merci encore pour votre disponibilité parce que je me rappelle qu'une fois aux États-Unis vous vous étiez levé super tôt pour intervenir dans Motors et puis là voilà vous êtes encore disponible pour nous parler donc c'est vraiment très gentil à vous, merci infiniment. Il n'y a pas de problème. À très bientôt et puis bonne suite dans votre saison. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors j'accueille en studio avant de prendre Cédric Journel au téléphone, j'accueille Patrick Zaniroli. Bonjour monsieur Zaniroli. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Alors vous êtes l'organisateur d'un rallye, formidable rallye, très belle compétition dont on va parler dans quelques minutes. En quelques mots, présentez-nous le projet. C'est un rallye pour voitures historiques qui s'appelle le Neige et Glace, qui était dans le temps la revanche du traditionnel Monte Carlo. Et donc comme le Monte Carlo a sa doublure en classique, et bien le Neige et Glace aujourd'hui n'existe en classique, et alors que justement le Monte Carlo historique est en train de se dérouler là sur des pentes apparemment très neigeuses, nous c'est dans une dizaine de jours dans le Jura, dans la région de Malbuisson. On détaillera cela dans quelques minutes si vous le voulez bien. En attendant, on va prendre en ligne Cédric Journel, le responsable marketing de Skoda. Bonjour monsieur Journel. Bonjour Xavier. Oh là, vous avez une voix bien dynamique. Forcément, vous êtes un homme heureux après les quelques semaines de rêve que vous venez de vivre. Une voix dynamique, mais un petit peu fatigué quand même. Ah, c'était juste le bonjour. Vous aviez tout mis dans le bonjour. Non, en fait, ça s'est très bien passé. Bon, hier, on a fini en beauté avec un deuxième doublé dans la saison. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est une saison qui s'est très bien déroulée. On remettait le titre en jeu. On est arrivé avec une organisation qui était plus structurée que la saison précédente. Olivier qui est venu renforcer l'équipe qui nous a permis d'enlever la victoire au niveau des constructeurs. Donc c'est une très belle saison. Hein. Alors Skoda a marqué son empreinte cette édition du Trophée Andros, des résultats incroyables. Et au-delà de ça, dans le même temps, double podium sur le Monte Carlo. Qu'est-ce qui se passe chez Skoda? Skoda rafle tout. Ouais, sur le rallye, il y a quand même un historique au sein de la marque qui est assez ancien. On revient avec la S2000 qui est une voiture qui est bien née, qui est efficace, et puis on a travaillé avec l'usine pour permettre sur l'épreuve du Monte Carlo de donner une chance à un pilote français. On a choisi Nicolas Vouilloz et il a été très performant tout de suite puisqu'il a été quasiment dans les 5 premiers pendant tout le rallye, et puis sur les dernières spéciales on a bénéficié de concours de circonstances mécaniques pour qu'il puisse grimper sur le podium, mais la performance est là puisque de mémoire je crois qu'il y a 4 ou 5 voitures dans les 10 premiers. Au vu de ces résultats, les perspectives de Skoda ne seraient-elles pas d'élargir son champ d'action ? Pour l'instant, on a quand même 2-3 obligations commerciales, hein, puisque la réussite commerciale de la marque nous permet aussi de mettre des budgets à disposition pour faire du sport auto. Ça, c'est le critère quand même essentiel et principal. On est en train de discuter, on va discuter sur le mois de février avec l'usine pour voir comment on peut aller un petit peu plus loin dans le rallye avec un pilote français. Et puis on va aussi rediscuter avec l'équipe S7 et puis voir quel va être notre programme pour l'année prochaine sur l'Andros. Pilote français, vous venez de prononcer le mot. Est-ce qu'il y a un nom qui circule déjà ou il y a une idée? Non, il y a quelques noms. Bon, Nicolas, il est quand même Nicolas Vouilloz, il est quand même très bien placé sur la liste. La Monaco, bon, bien entendu, la performance, elle compte, elle est essentielle. Mais là-dessus, il n'y avait pas beaucoup de doutes. Après, il a fallu s'acclimater un petit peu à l'équipe et à la voiture dans une période assez courte, ce qu'il a fait parfaitement. En restant prudent, on a eu un bon résultat. Et puis après, il y a aussi l'adéquation avec la marque, avec les valeurs qu'on véhicule. Il a eu une grande carrière dans le vélo. Nous, on est très impliqués également dans le vélo. Donc tout ça sont des facteurs qui sont importants. Mais on est obligé aussi de discuter avec notre maison mère, car c'est des programmes qui sont quand même assez conséquents. Jean-Philippe Dérault qui rêve de disputer le rallye de Suède, ça pourrait faire partie aussi des prétendants? J'ai entendu qu'il disait juste avant qu'on n'en avait pas discuté, donc là on a plutôt discuté de la Fabia Cup. Ouais. Pourquoi pas, tout est ouvert, il faut qu'on puisse discuter ensemble. Maintenant c'est sûr que c'est complètement différent du circuit, complètement différent de l'Andros, il faut s'acclimater au système de notes. On a vu avec Raikkonen qui est passé de la piste au rallye que c'est quand même pas toujours aisé. Donc il y a une période d'acclimatation, mais bon, c'est quelque chose qu'on peut discuter en tout état de cause. Je vous interromps deux petites minutes parce que voilà, il se passe beaucoup de choses en ce dimanche de sport et on va rejoindre tout de suite Edouard G à Granjska Gora pour la deuxième manche de Julien Lizeroux qui avait réalisé le septième temps dans la première manche. C'est bien ça, Edouard? Oui, effectivement, Julien Lizeroux qui s'apprête à partir là sur les 63 portes de cette deuxième manche. Et pour l'instant, il va falloir aller chercher un temps canon réalisé par le petit prodige autrichien Marcel Hirscher, 15e après la première manche. Et pour l'instant, qui occupe toujours la tête alors qu'il reste 7 derniers, dont Julien Lizeroux qui est dans le portillon de départ. Il remet son masque, il plante ses bâtons, il est extrêmement concentré, bien évidemment. Il souffle une dernière fois, il serre les dents comme à son habitude. Et c'est parti, la première impulsion là pour Julien Lizeroux. Il a 81 centièmes d'avance sur Marcel Hirscher au moment de s'élancer. Julien Lizeroux là, qui est un petit peu calme pour le début. Il veut aussi assurer, hein, parce qu'il est dans la course pour la Coupe du Monde de slalom, lui qui a gagné ici même il y a un an, 55 centièmes. Ça veut dire qu'il a presque perdu 3 dixièmes sur la partie haute de ce tracé. Je vous le disais, ça rend un petit peu calme, un petit peu peut-être trop posé, mais peut-être veut-il aussi assurer. On va suivre ça dans la suite. Là, il va arriver dans le mur final, dans un mur très pentu, une série de portes rouges, de portes bleues là, avec une enfilade. Attention, ne faut-il reste quand même dans le tracé, il perd un petit peu de la fluidité. Il quand même, il est toujours là. On va suivre le dernier temps intermédiaire. Il y avait 31 centièmes, donc il conserve pour l'instant une avance sur Marcel Hirscher. Attention sur la fin, il pioche un petit peu, il va être derrière. Ah, il va être derrière pour 13 centièmes. Deuxième derrière Marcel Hirscher, Julien Lizeroux. Il reste encore 6 concurrents, Xavier. Pour Julien Lizeroux, ça va être vraiment difficile d'aller chercher un podium. En tout cas, il va être une nouvelle fois placé donc au pire 8e dans cette course de Granjska Gora. Mais il ne fera pas le doublé. Vainqueur ici en 2009, il ne gagnera pas en 2010. Il va falloir aller chercher Marcel Hirscher qui est toujours en tête. Et ben, on garde le contact. Et puis dans les 4-5 minutes, je vous donne le classement final. Mais pour l'instant, Julien Lizeroux qui est sur le podium. Est-ce que ça va durer? Réponse dans les 5 minutes. Exactement, Edouard. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre ce slalom en direct. Et puis on vous retrouve pour le classement final et savoir si Julien Lizeroux restera donc sur son podium. On retourne en compagnie de Cédric Journel, responsable marketing de Skoda. Toujours là, monsieur? Toujours là. Toujours là, formidable. J'ai regardé la descente de Julien en même temps que vous. Ah, mais alors? Bah, ça va être dur, hein. Mais bon. Ouais, il était un petit peu marqué des appuis, mais il faut attendre. Hein. Il y en a encore 5 à passer, donc. Je vois qu'on a affaire à un spécialiste. Mais c'est vrai qu'en même temps, vous sortez du trophée Andros, donc la neige. Exactement. Vous en avez vu pendant un petit moment. Vous parliez tout à l'heure des opérations de promotion, hein, de Skoda. Une très belle initiative, c'est la sortie de l'album Michel Vaillant. Pour bientôt, ça c'est une sacrée belle initiative. Donc Skoda et le trophée Andros qui vont être associés à cet album historique, j'ai envie de dire. Ouais, en fait, l'idée de départ c'était de mettre en place un cadeau pour nos clients qui achètent des voitures tout au long de l'année et puis d'arriver à démultiplier un petit peu ce qu'on fait dans notre engagement sportif pour que nos clients puissent le percevoir autrement que simplement sur l'exploitation, notamment télé. Donc en fait, on a travaillé avec Philippe Graton, on s'est rencontré, on a pas mal travaillé. L'idée, c'était de faire un vrai album au niveau du trophée Andros. Et donc très tôt, même avant le début de la saison, on a décidé qu'on ferait un album Andros, bien entendu construit autour des coulisses d'une écurie chez Skoda, mais qu'on raconterait le déroulement exact en fait du championnat. Donc à partir du 31 mars. Nos clients recevront cet album pour toute commande de voiture. Il sera aussi disponible chez nos concessionnaires et il racontera exactement ce qui s'est passé avec quelques anecdotes croustillantes. C'est bloqué en montant à la station avec les voitures, donc on a dû trouver des solutions pour être présent le matin. Donc voilà, il y aura pas mal de petites anecdotes et puis les clients pourront découvrir les coulisses de la course. Je vous parlais justement des coulisses de la course. Il semble que chez Skoda, il y avait une super ambiance. Est-ce que ça favorise aussi la performance? C'est sûr que l'ambiance, elle est très importante, quel que soit le sport, en course auto plus qu'autre chose. Cette année, Olivier nous a rejoint, donc il a fallu qu'il s'acclimate à une équipe un petit peu différente. Il était habitué à rouler avec Alain. Jean-Philippe, l'équipe, elle est quand même construite autour de lui, donc il a fallu que Olivier trouve ses repères. On a eu une très bonne complicité entre tous nos pilotes, que ce soit aussi avec Grégoire ou avec Paul Belmondo. Donc je pense que c'est un élément facile de la performance, ça c'est certain. Écoutez, Cédric Journel, merci infiniment de votre intervention. Je vais vous remercier et puis vous rendre à votre dimanche de repos, j'imagine, après ces longues semaines de labeur. Ah, c'est tonique, hein, le Trofandro, c'est toutes les semaines pendant 2 mois. Bon, hier soir, on ne s'est pas couché très tôt, donc ça va faire du bien de couper cet après-midi. Bon, eh ben écoutez, merci infiniment en tout cas d'avoir pris sur votre dimanche de repos pour intervenir et puis à très bientôt sur l'antenne d'RMC. À très bientôt, bonne fin de journée. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Allez, on marque une petite pause et suite et fin de l'émission Motors. Il est 13h37. Nous allons retrouver Eric Briquet dans quelques secondes à l'Arctic Rallye. Et puis, restez bien là aussi puisque Patrick Zaniroli est notre invité pour nous parler de son rallye neige et glace. Superbe compétition. À tout de suite. RMC Motors avec Motors TV. Xavier Richefort. Il est 13h40, vous êtes toujours dans Motors, vous êtes encore sur RMC et c'est tant mieux puisqu'on va retrouver Edouard G en direct de Grange Cagora qui suivait Julien Lizeroux. Il nous a fait vivre la deuxième manche de son slalom et on en est où puisqu'il restait 5 ou 6 concurrents je crois, Edouard. Eh bien il en reste plus que 2, en l'occurrence Reinfeldt, Hertz, son principal concurrent pour la Coupe du Monde qui est en train lui de descendre cette deuxième manche. Et derrière le meilleur de la première manche, en l'occurrence l'Italien Razzoli Giuliano de son prénom. Et pour l'instant, eh bien Julien Lizeroux est toujours sur le podium, deuxième puisque derrière, que ce soit Zurbriggen, Fanger, Yannick ou à l'instant Benireich, eh bien ils sont tous partis à un moment donné ou à la faute et au final eh bien, ils sont loin derrière. Donc Julien Lizeroux qui est toujours là, on va suivre Hertz là qui est en difficulté sur la fin, il a toujours quelques dixièmes d'avance, il va peut-être quand même finir en tête et il va finir premier. Reinfeldt, Hertz qui pour l'instant est en tête devant son coéquipier, son compère Marcel Hirscher, Julien Lizeroux qui est troisième. Donc pour l'instant son podium à Julien Lizeroux ne tient qu'un fil, Xavier, il ne tient qu'au passage de Giuliano Razzoli qu'on va suivre dans quelques instants, mais l'info, autre info pour le moment, c'est que eh bien, Julien Lizeroux perd un petit peu la main dans la course à la Coupe du Monde de slalom, puisque Michael Hertz, qui était en tête avec 3 points d'avance, il avait ravi le sa rouge de leader à l'issue du slalom de Stadling mardi pour 3 points, et eh bien il va être devant bien évidemment, et pour l'instant il lui prendrait 40 points, donc supplémentaire, et on va suivre Razzoli qui a seulement 2 centièmes d'avance. Si Razzoli, attention Razzoli qui est en large difficulté tout là-haut dans le début de ce slalom, on va voir le temps intermédiaire, ce que ça va donner par rapport à Reinfeldt Hertz, 1,89 pour l'Autrichien, et Razzoli qui est déjà derrière, largement derrière, donc ça veut dire que normalement, ça retournement de situation sur la fin du parcours de Giuliano Razzoli, Julien Lizeroux va faire un podium troisième pour le moment. On va suivre Razzoli là dans les dernières portes, le temps intermédiaire suivant. Il va être largement derrière, 7e, 10e Razzoli qui est largement en difficulté. Julien Lizeroux qui va sûrement faire un nouveau podium ici à Grande Ségora, là où il avait gagné l'année dernière. Razzoli qui est en large difficulté, qui abandonne, et Julien Lizeroux donc qui est podium. Podium pour Julien Lizeroux, 3e, 7e à l'issue de la première manche. Et au final, 3e derrière deux Autrichiens, Reinfeldt et Marcel Hirscher. On a vécu aussi le podium de MMA, Marie-Marc-Charvier, ce matin, du côté du Super G de Saint-Maurice. Et bien voilà, 2e podium, le 16e de la saison, le dernier sur la dernière course avant les Jeux de bonne augure. Donc Julien Lizeroux, nouveau podium, quelle régularité, 5e à Lévis, 7e à Sabadia, 3e à Zagreb, vainqueur à Delbonnel, 5e à Wengen, 2e à Kitzbühel, 7e à Stadling, et donc aujourd'hui 3e ici à Kronskagora. Malheureusement, la petite ombre au tableau, bien sûr au niveau du classement général de la Coupe du Monde, Reinfeldt Hertz avec sa 4e victoire de sa saison, qui accentue son avance. Désormais, il a 43 points d'avance au classement de la Coupe du Monde sur Julien Lizeroux, alors qu'il restera une course, ça sera Garmisch-Partenkirchen du côté de la Bavière, et ça sera à la mi-mars, juste après les Jeux. Voilà Xavier, donc pas bien pour qui vient d'ici. Et Edouard G, merci infiniment. On vous retrouve bien évidemment dans l'Intégral Sport présenté par Christophe Cessieux à partir de 14h. Une émission spéciale d'ailleurs en direct de l'hippodrome de Vincennes, puisque vous le savez, c'est sur cet hippodrome que va se disputer tout à l'heure le Grand Prix d'Amérique, la plus grande course de trot du monde. Et RMC y est présent bien évidemment. Allez, on va reprendre, il est 13h44, on va reprendre le cours de cette émission Motors avec donc Patrick Zaniroli qui est là pour nous parler de son rallye neige et glace. Alors c'est la 56e édition de ce rallye Neige et Glace, mais qui a une histoire un petit peu chaotique. Ben, c'est un rallye qui avait disparu dans les années au moment de du premier choc pétrolier et qui était ensuite tombé un peu en déchéance. Et nous, on l'a repris il y a 7 ans. Donc, ce sera la 7e édition en régularité. Il y a un engouement certain des compétiteurs pour la voiture ancienne et la régularité. C'est beaucoup plus simple, ça coûte moins cher. C'est l'amour de la belle auto, des berlinettes, des Austin Healey, des Lancia, de toutes les voitures qui nous ont fait rêver quand on était jeunes. Et voilà, et c'est ce qui nous a poussé à le relancer et ça marche bien depuis le début. Et puis depuis l'an passé, on a changé de région, on a quitté les Alpes où il était difficile de trouver de la neige ou quand il y en avait, les routes étaient trop bien déneigées pour aller dans le Jura. Et ça a été le coup de foudre l'an passé. On s'est cru en Finlande, il y avait de la neige partout, les petites routes ne sont pas déneigées, ce qui nous permet d'organiser un merveilleux rallye. Alors parlez-nous un petit peu de la formule sportive de ce rallye. Vous avez parlé de régularité parce que donc ça joue dans le temps tout simplement. La régularité, le schéma est identique d'un rallye traditionnel. Et simplement, ce qui devrait être une spéciale dans un rallye traditionnel s'appelle une zone de régularité. Et les pilotes ont un départ comme en spécial, sauf qu'ensuite, au lieu d'aller le plus vite possible, ils doivent tenir une moyenne imposée par l'organisateur et sans savoir où sont les arrivées. Donc ça paraît simple comme ça quand on l'explique, mais c'est quand on est au volant, ça dans la pratique et sur la glace, sur des petites routes où c'est très difficile de tenir la moyenne imposée qui est de 50 km/h, et il faut un excellent coéquipier, notamment le mérite revient davantage au coéquipier, encore plus qu'ailleurs. C'est toujours une affaire d'équipe, mais là le coéquipier est encore plus important que dans une autre discipline, pour pointer à la seconde dans des arrivées qui sont secrètes et donc ils ne peuvent pas le savoir par avance. Et voilà. Et donc il faut être tout au long du parcours, entre 0 et 20 km par exemple, à la seconde près, à la moyenne de 50 km/h, et c'est très difficile à maintenir. Bon, alors en plus, pour simplifier la chose de vos concurrents, mais je suis sûr qu'ils adorent ça et qu'ils vont adorer ça, une petite nouveauté à propos du prologue. Eh bien, il y a un prologue, oui, parce qu'on avait des problèmes chaque année. On donnait le départ de la première étape dans l'ordre des numéros, en essayant de classer les gens par valeur, mais c'est toujours difficile. Et il arrivait que le premier jour, des gens de qualité soient coincés par des gens de moins bonne qualité au niveau de la conduite. Alors, pour essayer de pallier à ça, bon, on a effectivement innové cette année en organisant le soir, au soir des vérifications, le 7 février au soir à Malbuisson, à l'issue des vérifications, il y aura une course de côte sur neige organisée avec 4 arrivées et qui vont permettre de donner une première échelle de valeur et qui sera utilisée pour donner l'ordre des départs le lendemain. Alors vous avez évoqué tout à l'heure des noms de voitures qui font rêver les amateurs de belles voitures. Belles voitures. Alors faites-nous rêver un petit peu. Il y a quoi? Il y a des Alpine Renault, c'est ça? Beaucoup de berlinettes, des Porsche de tout modèle. Il y a une 4 chevaux cabriolet en plus. Celle-ci, cabriolet. Elle est modifiée, donc il va se les geler un petit peu. Et voilà, des Mini Cooper. On a tout type de voitures, des Ford Escort, Ford Opel Manta. Donc on a invité notre ami Henri Pescarolo pour qu'il vienne un peu prendre l'air des circuits. Presque tous les hivers, il était avec nous. C'est ça, oui, parce qu'il a participé en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Voilà, donc ça va le changer un petit peu des soucis des circuits et de l'endurance. Et c'est notre pilote vedette sur une Opel Manta. Et en plus, il est avec un très bon coéquipier, donc il a des chances d'être sur le podium. Alors cette épreuve se déroule du 7 au 10 février, c'est en termes d'organisation, puisque vous en êtes l'organisateur, c'est une sacrée logistique à mettre en place. C'est une grosse logistique, il y a beaucoup de gens en précurseur d'ailleurs pour s'assurer de l'état de faisabilité des routes, parce que avec ces rondes hivernales, soit il n'y a pas assez de neige, soit il y en a trop, c'est toujours difficile de trouver le juste milieu. Donc j'ai des gens qui sont d'ores et déjà en place sur le terrain à ouvrir si nécessaire les routes aux chasse-neige. Parce qu'il y a actuellement, tout ce week-end, il y a un très bon enneigement, c'est en train de venir, et le froid, et pour s'assurer que les secteurs de régularité soient praticables et que nos concurrents prennent le plaisir maximum. Patrick, on continue de parler de votre formidable épreuve dans quelques secondes. On va partir pour la Laponie, retrouver Eric Briquet qui était à l'Arctic Rally. Alors il y avait Iceman là-bas et vous êtes notre Iceman à nous. Salut Eric. Salut. Salut Xavier, salut tous. Et oui, effectivement, là, je me trouve au fin fond d'une forêt sous une tempête de neige. Je suis en train de regarder un petit peu les essais de Sébastien Ogier, qui n'a pas fait le rallye sur la Citroën C4, mais qui est venu faire une journée d'essais en préparation du rallye de Suède. Et le rallye de l'Arctique, ce fameux rallye connu de pas mal de passionnés, eh bien, s'est déroulé lors des deux dernières journées. Il s'est arrêté hier soir avec la victoire, on va dire, pour l'histoire de Dani Sordo, l'Espagnol, lui aussi venu s'entraîner en prévision du début de saison en Suède. Mais la grande attraction, vous l'imaginez bien entendu, c'est les débuts de Kimi Raikkonen chez Citroën, son premier rallye au volant de la C4 WRC. Et puis on a découvert un nouveau Kimi, ça on le verra dans Auto Hebdo mercredi prochain. On va voir que ce garçon a finalement deux visages, selon qu'il se trouve au sein de son équipe, avec ses équipiers, ou bien devant les médias. Donc on a découvert un personnage plutôt sympathique ici dans les rallyes, loin de l'image très froide, très glaciale qu'il donnait en Formule 1. Et pour lui, ben, ça s'est passé, on va dire, pas facilement, puisqu'il est sorti de la route. Kimi, il a perdu plus de 30 minutes dès la deuxième spéciale, il termine donc loin. Mais peu importe, l'objectif pour lui, c'était de s'entraîner, de rouler, de découvrir l'équipe Citroën. Alors, vous nous parliez de Dani Sordo au volant de la Citroën C4. Bon, Dani Sordo qui est en Laponie. On a vu Mikko Hirvonen qui s'est imposé au Monte Carlo. Quid de Sébastien Loeb, où est-il? Ah ben alors justement, c'est la question. C'est la bonne question, parce que c'est vrai que bah, Sébastien Loeb, on le sait, il voulait faire le rallye Monte Carlo, hein, il était très tenté de le faire. Malheureusement, pour des raisons de marketing, eh bien, ça n'était pas possible, puisque vous le savez, il est extrêmement marqué pilote Citroën, donc impossible pour lui de rouler sur d'autres marques en rallye. Eh bien, Sébastien Loeb, lui, travaille beaucoup, parce qu'il y a des essais qui ont eu lieu au mois de janvier de la toute nouvelle DS3 WRC qui roulera en 2011. Donc, il s'occupe, il roule. Il va lui aussi disputer des journée d'essai prévue sur la neige pour préparer le rallye de Suède, première manche du championnat du monde mi-février. Donc pour l'instant, c'est vrai que Sébastien Loeb, il ne court pas, mais il roule quand même en essai. Kimi Raikkonen, pour revenir à lui, j'étais en train de penser à ça pendant que vous écoutez en même temps. Comment il a été accueilli par le monde du rallye? Eh bien, plutôt bien accueilli, parce qu'on l'a vu débarquer en fait au mois d'août dernier en Finlande. Là, il était totalement en engagement privé, celui qui venait se faire plaisir au volant de sa propre voiture. Cette année, c'est un petit peu plus sérieux, puisqu'il intègre la grande équipe Citroën Racing, hein, au sein de l'équipe Junior Team. C'est un peu l'attraction, mais comme il arrive de manière très humble, il se définit comme un débutant, puisqu'il n'a que 4 rallyes derrière lui. Il considère qu'il a beaucoup de choses à apprendre, qu'il ne sera pas au niveau des meilleurs, en tout cas lors de la première demi-saison. Il dit qu'il lui faut au moins 7 à 8 rallyes avant de commencer peut-être à essayer de se rapprocher des meilleurs temps. Donc il arrive vraiment sur la pointe des pieds, mais avec beaucoup de passion, beaucoup de plaisir. Il faut savoir que son frère Rami est un pilote de rallye amateur qui a couru depuis environ une dizaine d'années, même si l'on le voit moins souvent ces derniers temps. Et donc avec son frère, ils ont toujours eu cette passion pour les rallyes, et ce qui est un peu logique ici en Finlande, parce que vous savez, le rallye est un sport extrêmement populaire à l'égal des sports d'hiver, hein, puisque les Finlandais sont quand même des spécialistes. Et là, je peux vous confirmer, vu la neige qui tombe et le froid qui fait, ça c'est clair que les Finlandais connaissent un petit peu les sports d'hiver. Mais le rallye va de plus en plus intéresser les Finlandais, dans la mesure où il n'y aura plus de pilotes de F1 de pointe pour gagner, même s'il y a toujours Heikki Kolovalainen, mais les Finlandais s'intéressent aux pilotes, c'est-à-dire qui gagnent. Et donc là, ils vont peut-être plus s'intéresser avec l'arrivée de Kimi Raikkonen au rallye. Bon, une dernière question. Le rallye de Suède, c'est demain quasiment, hein, début de le 10 février. Est-ce que vous avez deux, trois petites infos à nous donner, puisque vous n'en aviez pas sur Sébastien Loeb, à part nous confirmer son absence? Eh bien, ce qui est certain, c'est que les pilotes déjà en parlent, parce que c'est vrai, c'est l'ouverture de la saison, c'est la première échéance importante. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a au moins 5 ou 6 pilotes capables de jouer la victoire, ce qui ne s'était pas vu depuis fort longtemps. J'ai eu la chance d'en parler justement avec Dani Sordo ce week-end. Il disait que ça va être vraiment un très très beau rallye, puisque on peut compter les deux pilotes Citroën, Sordo Loeb pour viser la victoire. On peut compter, bien entendu, Hirvonen, Latvala, les pilotes forts, mais aussi Marcus Grönholm, puisque ça va être le retour du grand Marcus, le champion du monde 2000 et 2002, qui vient se faire plaisir sur un rallye au volant d'une Ford Focus. Donc on peut le compter aussi parmi les même si il est plutôt jeune, il a plus de 40 ans, même s'il ne court plus depuis 2 ans, mais on pourra quand même le compter parmi les prétendants, en tout cas une place devant. Et puis il y aura aussi, bien entendu, Sébastien Ogier qui va attaquer sa deuxième saison en WRC, qui sera sans doute lui aussi capable de jouer dans le top 5. En tout cas, là, il se réentraîne de nouveau sur la neige aujourd'hui et il y prend beaucoup, beaucoup de plaisir. Eric, merci infiniment. Votre batterie a tenu le coup. Ouais, c'est incroyable. J'entendais des bip-bip. Je dis ça va couper à tout moment. Mais là, je me suis mis à côté d'un feu là, avec mes amis pompiers là, qui surveillent la spéciale. Donc voilà, je suis bien au chaud et ça a marché. C'est super. Bon, et vous brûlez pas. Après vous êtes gelé, ne vous brûlez pas. Non, pas de problème. Eric, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes bien évidemment l'envoyé d'RMC et d'Auto Hebdo et qu'on peut vous entendre sur la radio et vous lire dans le magazine du même nom. Merci infiniment, Eric, et puis à très vite, bien évidemment. Salut à tous. Salut. Voilà, on venait d'évoquer le championnat du monde des rallyes avec Eric Briquet qui va débuter donc avec le rallye de Suède le 10 février, le championnat du monde des rallyes que vous pourrez suivre bien évidemment sur Motors TV. De retour avec Patrick Zanieroli pour nous parler justement encore de la glace. De la glace, voilà, d'une compétition de saison. Voilà, cette deuxième heure était entièrement consacrée à la neige et à la glace. On a ouvert par le trophée Andros. Là, on vient de voir le rallye de la Poyi. On évoque le rallye de Suède et puis bien évidemment votre rallye neige et glace. Donc on en était sur la logistique que demande l'organisation d'une telle compétition, avec combien de concurrents engagés cette année? 62 véhicules au départ, avec de très beaux véhicules, notamment on a deux Lancia Stratos, et voilà, pour nous c'est un très beau plateau. Nous on n'organise pas des rallyes avec 300 concurrents et tout ça reste aussi dans un cercle 60, c'est quand même assez restreint et ça permet de garder une convivialité. Tout ça, dès que le soir, et dans nos rallyes, les gens sont tous dans le même hôtel et on mange ensemble. Et on tient aussi à ce côté. Il y a la performance sportive, mais il y a l'amitié et la convivialité le soir à l'étape. C'est ça, vous voulez pas nécessairement en faire un énorme coup commercial avec. Non, il y a des gens qui font ça très bien et voilà, et je leur laisse. Oui, ouais. Oui, un état d'esprit à conserver auquel vous tenez. Voilà, parce que ça fait aussi partie de la chose, surtout en ancienne. Et voilà, et c'est ça aussi qui est formidable, et de discuter avec les concurrents. Les gens peuvent les voir, ils peuvent se voir entre eux, ils peuvent discuter. Retrouve des choses comme c'était un petit peu dans le temps, malheureusement c'est plus le cas, et voilà, c'est ce qui fait tout le charme de ces épreuves là également. Alors outre Henri Pescarolo, bien évidemment c'est un nom qui résonne, il y a d'autres anciens pilotes comme lui qui viennent participer. Il n'y a pas d'autres anciens pilotes, il y a des champions, l'essentiel du plateau est constitué par une très forte armada belge. Les Belges sont les grands spécialistes de la régularité, donc ce sont des noms, si je vous les citais, qui ne diraient rien à vos auditeurs, mais la régularité est régulièrement dominée par des équipages belges. Nous, depuis 7 ans qu'on l'organise, il n'y a qu'une seule fois un Français qui a gagné avec une GS, parce qu'il y avait un très fort enneigement et que les gens qui avaient des voitures un peu basses et tout ça se sont fait surprendre. Et lui, il était en GS, il a mis en position. GS, ça c'est il est passé partout. Et il a tapé tout le monde et c'était très rigolo. Et il revient cette année mettre son titre en jeu. Mais sinon, ce sont toujours des équipages belges qui gagnent sur Berlinette, sur Porsche, sur Opel. Et donc là, j'ai tous les champions, des anciens champions comme Willy Lux en Belgique, des gens comme ça, et qui sont là avec des coéquipiers comme Michel Perrin, qui est un coéquipier aussi en moderne et qui sont des gens très performants, et pour qui c'est Michel Perrin, pour lui la régularité c'est le meilleur entraînement pour faire les rallyes de championnat du monde derrière, ou le Dakar. Donc voilà, c'est une discipline à part entière qui mérite qu'on la connaisse davantage et où on prend beaucoup de plaisir. On m'avait fait rêver avec la GS, là. Je me souviens que mes parents en avaient une quand j'étais jeune, là. Une voiture incroyable. C'est aussi ça qui fait le charme, c'est pas forcément la plus grosse voiture, c'est pas celui qui va avoir 500 chevaux qui va gagner. C'est un mélange entre l'équipage, la voiture, les circonstances. Il se passe des choses, il faut être malin, il faut avoir un super coéquipier. Et c'est la sauce de tout ça qui fait prendre et qui fait qu'on peut faire de très bons résultats. Et puis aussi les gens qui côtoient justement un pilote strictement inconnu qui va passer sa semaine avec Henri Pescarolo, qui va dîner à sa table et tout ça, c'est très sympa, c'est ce que les gens viennent chercher. Forcément, bien évidemment, vous nous mettez l'eau à la bouche. C'est une compétition qui se court sur 3 étapes. 3 étapes, le 8, le 9 et le 10 dans la région du Doubs et du Jura, avec un point central à Malbuisson. Et le mardi 9 au soir, un circuit sur glace monté spécialement pour nous, au pied des pistes à la station de Métabier. Et puis, le 7, si je ne m'abuse, l'exposition des véhicules. Toute la journée, les vérifications, exposition des véhicules et le prologue en fin d'après-midi de 18 à 20 heures. Et ça, ce sera où donc? À Malbuisson. Malbuisson, près du lac de Malbuisson. Tout à fait, le lac de Saint-Point. Donc, eh ben, écoutez, hein, voilà, chers auditeurs, hein, si vous êtes disponibles ce dimanche et dans la région, n'hésitez pas à aller admirer ces formidables bolides qui revivent grâce à vous, qui retrouvent une deuxième jeunesse grâce à vous, Patrick. Merci. Merci infiniment d'être venu nous présenter donc cette 56e édition du rallye Neige et Glace, 7e édition en régularité. C'est la fin de Motors. Il est 13h59. Dans quelques minutes, ça va être l'heure de votre journal. Et nous, on se retrouve bien évidemment dimanche prochain pour une nouvelle édition de Motors de 12h à 14h. Le rendez-vous des passionnés de sport mécanique. À très vite. Salut, bel après-midi. RMC Motors avec Motors TV.